Chapitre 27e. Rentré chez lui, M. de Lavrange fut sur le point d'écrire à Adolphe pour lui raconter ce qui venait de se passer. N'y avait-il pas cruauté à laisser le pauvre amoureux dans l'attente et l'inquiétude? Mais, après un moment de réflexion, il repoussa la feuille de papier qu'il avait déjà prise. Après tout, mieux valait lui laisser son inquiétude pendant quelques heures encore que de compromettre le résultat définitif par une indiscrétion. Le premier acte seul était joué. Adolphe n'épousait pas Mademoiselle Oudaille, restait le deuxième, il épousait Juliette. Il devait réserver pour celui-là tous les moyens qu'il avait en main. C'était beaucoup d'avoir obtenu que Madame d'Alifa renonçât au mariage avec la jeune fille riche, mais ce n'était pas tout. Il fallait maintenant la faire consentir au mariage avec la jeune fille pauvre. Et pensant au succès de sa première négociation, il se frottait les mains. Ah, on l'avait appelé sot. Eh bien, le sot n'avait pas trop mal manœuvré, et il pouvait justement s'applaudir de l'effet qu'il avait produit quand il avait parlé de quelques formalités à remplir, à savoir un inventaire, une licitation et une liquidation. Et l'allusion aux fausses déclarations sur la valeur de la succession, est-ce qu'elle était d'un sot? Et la menace du triple droit qui avait fait faire une si jolie grimace à Madame d'Alifard était-ce une niaiserie? Mais tout cela n'était rien encore, et le sot ne serait tout à fait vengé que le jour où il présenterait la plume à Madame d'Alifard pour signer au bas du contrat de mariage d'Adolphe et de Juliette, mariage amené à bien par la seule habileté de ce sot. C'était la victoire qui lui restait maintenant à remporter. Et le lendemain, il se rendit rue des Vieilles Haudriettes, confiant et joyeux, malgré la force de l'adversaire contre lequel il devait livrer cette dernière bataille. Il fit une entrée modeste, digne d'un homme qui connaît sa valeur. « Me voici tout à votre disposition, chère madame, » dit-il en tendant la main à Madame d'Alifard, qui, plus roide que jamais, se tenait debout, appuyée d'un bras sur son pupitre. « Vous êtes exact. Ce mariage vous tient donc bien au cœur. Au cœur d'abord, cela est vrai. Mais je dois avouer qu'il me tient encore autre part à la caisse, pour tout dire. 3 ou 4 millions d'apports, sans compter les donations, cela fait un beau contrat à souscrire au répertoire. Il ne faut pas vous dissimuler, ma chère Madame d'Alifard, que j'aurai une assez belle note d'honoraire à présenter à Adolphe, car je vous connais et sais très bien que vous ne voudriez pas me permettre de faire ce contrat simplement par amitié. Assurément. Mais je vous engage à ne pas porter d'avance ces honoraires au total de cette année. Et moi, madame, je vous engage à croire que toutes les formalités que nous avons à accomplir seront terminées avant la fin de l'année. Je vous en donne ma parole. Il faudrait pour cela que je consentisse à leur accomplissement. Et précisément, je m'y refuse. Comment ? S'écria Maître de la Branche, levant les bras au ciel. Vous ne voulez pas de l'inventaire ? Je n'accepte ni l'inventaire, ni la licitation, ni la liquidation. Par un brusque mouvement, il laissa retomber ses mains, qui, en claquant sur ses cuisses, firent entendre un bruit sec. Comme geste de théâtre, c'était très bien imité. « Je vous ai demandé hier à réfléchir, » poursuivit Madame d'Alifard. « J'ai réfléchi, et aujourd'hui, dans mon calme et ma raison, je vous dis que ce mariage que vous m'avez proposé ne peut pas se faire. »« Vous me voyez stupéfait !» s'écria le notaire, qui jouait en effet la surprise par tous les moyens que lui offraient ses souvenirs de théâtre. « Ce que je vous dis est cependant bien naturel. Comment voulez-vous que je puisse accepter des exigences aussi blessantes que celles de M. Oudaille ? Ma position financière est bien connue, et vouloir la faire constater, c'est la suspecter. Une mesure légale provient toujours d'une suspicion, mais il y a suspicion et suspicion. Précisément. Et celle dont je suis l'objet est doublement injurieuse, car elle m'atteint dans le présent et dans l'avenir. » Dans le présent, on me soupçonne de vouloir dissimuler une partie de mon actif. Dans l'avenir, on me croit capable de voler ma belle-fille et mes petits-enfants. Si on a une telle idée de moi aujourd'hui, que le mariage n'est pas fait, à quoi ne serais-je pas exposé lorsqu'il le sera? Aussi ne le sera-t-il jamais. Vous refusez, mademoiselle Oudaille? Je la refuse. Mais c'est impossible. Où trouverez-vous jamais une famille qui, pour l'honorabilité, la position et la fortune, se rapproche des Oudaille? Où Adolphe trouvera-t-il une jeune fille plus charmante, mieux élevée que celle que je vous propose? Réfléchissez, je vous en prie, madame. J'ai réfléchi. Au moins, laissez-moi vous présenter les raisons qui, selon moi, rendent ce mariage avantageux. Vos raisons fussent-elles éblouissantes? Ce mariage fut-il 1000 fois plus avantageux qu'il ne le peut être, je ne me laisserai pas ébranler. Je vous ai dit que mon fils n'épouserait pas Mademoiselle Houdaï. Il ne l'épousera pas. Vous entendez? Il ne l'épousera pas. Jamais je ne reviens sur ce que je dis, vous le savez bien. Monsieur Houdaï peut avoir ses exigences et parler du haut de ses millions. Moi, j'ai les miennes aussi, et je parle du haut de ma fortune qui, quelle qu'elle soit, me donne le droit d'élever la voix. Monsieur Houdaï m'a fait une injure, et je ne pardonne pas les injures. Je ne veux pas me faire l'avocat de Monsieur Houdaï et plaider sa cause contre vous. Cependant, il m'est impossible de ne pas vous dire que je ne vois l'injure dont vous plaignez ni dans sa conduite, ni dans sa demande. Il a pour vous la plus grande estime. C'est parce qu'il m'estime qu'il me soupçonne. Il ne vous soupçonne pas. Oui ou non, demande-t-il une constatation légale de ma situation et de celle de mon fils. Mais ce qu'il demande là, madame, tout père de famille le demandera comme lui. J'entends, tout père de famille qui aura de la fortune. Ah, s'il s'agissait d'une jeune fille qui n'eut rien, ni présent, ni espérance, ce serait bien différent. S'il nous disait « Quel est votre avoir ?» nous serions en droit de lui répliquer « Commencez par nous montrer quel est le vôtre. » Mais ce n'est pas là l'espèce avec M. Houdaï. Il nous dit « Ma fille possède 1 000 000 comme héritière d'une de ses tantes. De plus, je lui en donne en dot 500 000 francs. Total, 1 500 000 francs. Que nous présentez-vous en échange ?» Nous répondons, ou plutôt, la notoriété publique répond pour nous, nos droits. Quels sont-ils? Nous ne jugeons pas à propos de les estimer et nous les portons seulement pour mémoire. Tout le monde sait qu'ils valent vos 1 500 000 francs. Jamais, au grand jamais, père de famille ou homme d'affaires ne se contentera d'une pareille réponse. C'est celle que je fais, cependant. Eh bien, madame, jamais Adolphe n'épousera une fille riche, parce que chaque fois qu'il se présentera, on vous posera la même demande que M. Houdaï. Et les formalités que vous ne voulez pas accomplir aujourd'hui, il faudra que vous les subissiez à ce moment. Ni maintenant, ni jamais. Je ne veux pas d'inventaire, parce qu'il me déplaît de crier sur les toits le chiffre de ma fortune. Je ne veux pas de licitation, parce qu'il ne me convient pas de mettre en vente mes propriétés. Je ne veux pas de liquidation, parce que tout ce que je possède appartient à mon fils et qu'un partage entre nous est inutile. Cela est clair et net, n'est-ce pas ? En présence d'une telle déclaration, je ne me permettrai pas d'insister. Je suis désolé que ce mariage ne se fasse pas. Mais je ne dirai plus un mot en sa faveur ni à vous, madame, ni à M. Houdaï. Comment le pourrais-je ? D'un côté, je trouve que M. Houdaï est parfaitement fondé dans ses exigences, et d'un autre, je ne peux pas m'empêcher d'admirer votre force de volonté. Il est certain qu'il y a de la grandeur dans votre parti pris, de la fierté, de la dignité. Vous êtes ce que vous êtes. Vous n'admettez pas qu'on vous discute. On doit vous connaître, c'est à prendre ou à laisser. « Justement, » dit Madame Daliphard, relevant la tête et se redressant. « Cependant, mon admiration ne m'empêche pas de reconnaître que ce parti pris rendra difficile le mariage d'Adolphe, à moins qu'il n'épouse une femme sans fortune, bien entendu, parce que dans ce cas, comme on n'apporte rien, on ne peut rien demander en échange. C'est peut-être ce qui aura lieu. Je ne crois pas. Pourquoi donc? Vous êtes assez riche pour n'avoir pas besoin que votre fils reçoive sa fortune d'une autre que de vous. Ce doit être une grande satisfaction de pouvoir enrichir ceux qu'on aime et de se dire qu'ils tiennent tout de nous seuls, sans partage. Je n'ai pas encore d'enfant et par conséquent je ne connais pas la jalousie paternelle. Mais d'avance j'admets ce sentiment que je trouve juste et naturel. N'est-il pas douloureux quand on a élevé un enfant, quand on s'est sacrifié pour lui ? De le voir nous échapper précisément à l'âge où il pourrait nous payer nos peines. Qu'il se marie, c'est bien. Mais ce n'est pas seulement une femme qu'il prend, c'est une famille, c'est une fortune. Une confusion s'établit vite, et il ne sait bientôt plus ce qu'il doit à son père et ce qu'il doit à son beau-père. Cela ne vous paraît-il pas cruel? Il ne faudrait donc pas permettre à nos enfants de se marier? Si, au lieu d'une femme riche, ils épousent une femme pauvre, la situation change du tout au tout. Comme on n'a rien reçu, il n'y a pas de confusion possible. On n'a qu'un père, qu'une mère, ceux que la nature vous a donnés, et non ceux qui s'imposent au nom de leur fortune. C'est à ce père, c'est à cette mère, qui nous ont élevés que nous devons toute notre reconnaissance. Eux seuls ont autorité sur notre vie. Eux seuls... Si vous étiez si convaincu de l'excellence de la femme pauvre, interrompit Madame d'Alifard, pourquoi en avez-vous épousé une riche ? C'est parce que j'en ai précisément épousé une riche que je regrette la pauvre. Oui, madame, je la regrette. Jusque-là, le notaire avait parlé en étudiant ses paroles. Il changea de ton et les mots jaillirent de ses lèvres avec véhémence et passion. Vous me voyez tous les dimanches à Nogent, chez mon beau-père ou chez vous. Eh bien, j'ai cependant une mère, chez laquelle je serais heureux d'aller quelquefois et chez laquelle je ne vais jamais. Si je ne suis pas un pauvre expéditionnaire, c'est à ma mère que je le dois. C'est elle qui m'a élevé, qui m'a instruit, et qui, au prix de 1000 sacrifices, de son travail, de sa santé, m'a mis à même de devenir un homme. Et cependant, aujourd'hui, pour la récompenser de ses peines et de son amour, je l'abandonne. Ce n'est pas de gaieté de cœur que je le fais, mais que voulez-vous ? J'ai épousé une femme riche, et je suis l'esclave de ma femme et de la famille de ma femme. On m'a acheté, je me suis vendu, je n'ai qu'à obéir. Si j'ai jamais un enfant, il est convenu qu'il ne s'appellera pas du charmant nom de Madeleine, qui est celui de ma mère, mais de l'horrible nom de Colombe, qui est celui de ma belle-mère. On me reproche déjà de ne pas en avoir un, et l'on trouve que je suis un singulier mari. Chez moi, que dis-je ? Chez moi, je n'ai pas de chez moi. Chez ma femme, chez mon beau-père, c'est ma belle-mère qui commande. Je mange ce qu'ils aiment, je reçois ce qui leur plaise. On ne supporte ma mère que quand nous serions très à table. Elle fait la 14e et encore, ne dois-je pas la mettre près de moi ? À ma droite, invariablement, éternellement, ma belle-mère. À ma gauche, une étrangère. Ma mère, n'importe où, dans le courant d'air. Un jour, elle a cassé une carafe, achetée, payée par ma belle-mère, et ce moment-là a été un des plus douloureux de ma vie. De temps en temps, il est vrai, je me révolte. Mais en fin de compte, c'est à ma mère qu'on fait payer mes tentatives d'indépendance. Comprenez-vous maintenant, chère madame, pourquoi je regrette de n'avoir pas épousé une femme sans fortune ? Ma mère et moi ne serions-nous pas plus heureux ? Quand il n'y aurait que le plaisir d'être ensemble. Pour elle, cela ne sera-t-il pas plus doux que de passer ces dernières années dans la solitude et le chagrin, n'ayant plus de fils ? Mais pardonnez-moi cette explosion de plainte. Vous avez mis la main sur un endroit qui m'est si douloureux que je n'ai pas pu m'empêcher de crier. Je ne vous savais pas si bon fils, monsieur de la Branche. Je suis heureuse de voir Adolphe lié d'amitié avec un homme tel que vous. Quand vous viendrez à Nogent, nous parlerons de votre mère, n'est-ce pas ?